Non, on peut dire que Monsieur Macron peut continuer à rêver. Je crois que le camp auquel il appartient, il se faut appeler progressiste. C'est quoi le progressiste? La tradition progressiste, telle qu'elle s'est constituée historiquement, c'est la lutte du travail contre le capital. C'est l'émancipation des travailleurs de l'exploitation capitaliste. C'est ça qu'on appelle le progrès. C'est ce que cela comporte en termes de culture et tout et tout. Alors, les mondialistes, c'est-à-dire les financiers qui sont les propriétaires de ce monsieur, parce que c'est un bien privé. Hein. Macron est un bien privé qui appartient au Rothschild. Donc, ces gens-là appellent progressisme tout ce qu'ils fabriquent là, les LGBTQI, c'est tout ce que, toutes ces choses qu'on parle là. Pour eux, c'est ça le progrès. Le progrès, c'est qu'on avorte n'importe comment. Le progrès, c'est le trafic des cellules souches. Fabriquer les hommes, l'être humain en laboratoire, c'est oui, c'est la GPA, gestation prochaine, la PMA, toutes ces choses-là. Mais qui derrière, il y a un projet, le projet réel qui est derrière, c'est justement de fabriquer les enfants, les humanoïdes, sans passer par les cadres normaux. C'est ça qu'ils appellent le progrès. Donc Macron dit qu'il est un progressiste. Mais là, il y a ce qu'il appelle la quatrième révolution industrielle qui consiste à robotiser l'être humain, c'est-à-dire opposer à l'homme, à la force de travail humaine, lui opposer le robot intelligent. Donc pour ça, il dit que ce sont eux qui sont des progressistes et que tous ceux qui sont contre ça sont les hommes du passé. Vous voyez, c'est sur ce piédestal auto-dressé que ce monsieur se place pour être aussi arrogant envers les Africains. Mais quand vous regardez le monde, est-ce que le monde va vers là? Regardez les dynamiques même du monde. Les dynamiques géopolitiques du monde montrent que dans dans les mois, les années qui viennent, l'Occident s'est terminé. C'est terminé. Donc tout son blablabla là, tout ce grand projet qu'il veut porter pour te donner une contenance historique, là où il est vide, il est très vide, mais il veut forcer pour apparaître comme quelqu'un qui a une certaine carrure et qui va empêcher la fracture nord-sud. Mais elle est déjà là. Il n'a que moyen d'empêcher ça, ce type. Donc, il vend du vent, et cette France-là, n'est-ce pas, dont il parle là, et qui veut regrouper, n'est-ce pas, les pays africains, mais français, n'est-ce pas, donc cette France-là, qu'il se fabrique dans sa tête, mais on verra bien par quel moyen cette France-là va réussir à s'imposer en Afrique, sur la bataille. Donc, nous travaillons, on est sérieusement engagé dans ce travail pour créer une masse critique qui va se consolider de plus en plus pour casser ça, renverser ce rapport de force, et on est... Le mouvement avance fortement. Il faut protéger ce mouvement. Il faut le consolider. Il faut le peaufiner. Il faut qu'on se donne des véritables structures panafricanistes. L'Union africaine n'est pas une organisation panafricaniste. C'est une organisation traîtresse qui vend le continent à l'Union européenne. La CEDEAO et le Conseil, il n'y a plus de débat là-dessus. Donc il faut qu'émergent sur le continent des véritables institutions panafricanistes. On va travailler à ça. Ils n'ont pas le système pour tout à l'heure pour faire appeler l'organisation. On va travailler à tout ça pour que ça arrive. Je vais vous donner quelques exemples ici. Vous allez comprendre comment on pille les pays africains. Allez-y. Quelques chemins. À travers la plateforme Campus France, la France exige aux étudiants camerounais désireux d'étudier en France de payer la somme de 85 000 pour un entretien avec un conseiller pédagogique. 85 000, hein? On ne vous rembourse pas. Hein? Un entretien avec un conseiller pédagogique. C'est ce que ça veut dire, conseiller pédagogique. 85 000 francs. Et vous avez, allez voir le nombre d'étudiants qui s'alignent là, de préposés. N'est-ce pas, à ce type de à ce campus-là, combien ça ligne? Vous voyez l'argent qu'on collecte. Je prends seulement cet exemple-là. C'est-à-dire, vous vous demandez, mais, c'est-à-dire, 85 000 par jour sur leur projet d'études en France, le dieu entretien ne garantit pas l'obtention du visa. Et on ne te rembourse pas. Vous bien comprendre, on ne te rembourse pas. Ce qui permet à la France de gagner chaque jour des millions de francs CFA. Avec la complicité des autorités camerounaises. Quand on a ouvert les portes des écoles camerounaises, n'est-ce pas, à cette fameuse plateforme Campus France. Donc, vous voyez comment, c'est-à-dire, vous venez, on dit un entretien, à faire un conseiller pédagogique, 85 000 par étudiant. Tout à fait. Et on ne rembourse pas. On dit, au cas où ça aboutit, on ne rembourse pas. Vous imaginez donc comment on va multiplier les entretiens, les gens sont pleins, ils sont très nombreux. Et imaginez l'argent qu'on ramasse par jour. Par moi, avec la complicité des dirigeants camerounais. Alors, on ne cherche même pas à évaluer déjà les soi-disant compétences, fameuses compétences des instituts français, des universités françaises. On a formé combien de cadres africains là-bas? Ça donne quoi? Non, de manière fondamentale, il faut qu'on pose cette question. C'est-à-dire que la fameuse université française, quand on va là-bas, on revient là, ça a donné quoi aux pays africains? Moi, je veux comprendre. Hein? Tout à fait. Moi, je peux me tromper. Hein? Je veux comprendre. Quand moi, je vois là, aucun pays au monde ne se développe par un mécanisme. Tout à fait. L'histoire des campus, France, c'est le pillage de l'intelligence. Tout à fait. Le pillage. On déracine les étudiants, on déracine les génies africains, on les amène là-bas. Et une fois qu'ils sont là-bas, dans d'autres circuits informels liés à ces structures-là, on les déforme et on n'a plus aucun contrôle sur eux. Vous avez des gens qui ont des mentalités, c'est-à-dire que totalement étrangers à leur pays d'origine, ils ne veulent même plus l'entendre parler. Parce qu'on les a moulés à cette culture, parce qu'on leur fait croire que la vie du monde, c'est le mondialisme. Les gens ne sont pas en train de voir le monde. Tout à fait. Et on dit, c'est le mondialisme. Donc vous voyez très bien, c'est-à-dire que quel est le pays au monde qui s'est développé par les choses comme ça? C'est une politique vigoureuse des élites, dans le cadre d'une révolution, qui permet l'émergence de vraies structures universitaires, scolaires, correspondant à vos besoins, et basées sur vos propres compétences, sur votre génie créateur. Sauf à nous faire croire que les Africains n'ont pas de génie créateur, ne sont pas en mesure de créer des écoles. Cette tradition universitaire que l'Afrique a développée avant tous les pays de cette terre. On peut citer les universités Tombouctou, du Caire, partout. Mais cette tradition-là, pourquoi on n'est pas en mesure de refaire ça? Pour livrer notre jeunesse à ce genre de choses. Où les gens viennent s'installer, ils créent des histoires de campus, machin, n'est-ce pas? Où on prie, on ramasse de l'argent chez nous, avec la composition des dirigeants des autorités camerounaises, dans des futilités qui n'ont pas de sens. Et après, on ne rembourse même pas. Le centre culturel français, Macron parle de ça dans sa politique, il compte dessus énormément. Il a dit que les instituts français ont permis l'émergence de Papa Wemba, ici, des choses comme ça. Mais les gens jouent. À l'intérieur, moi j'ai enquêté, c'est de quoi je parle. Les informations, si on me les a apportées, j'ai enquêté là-dessus. On parle par l'air. Je prends votre main, j'amène, je vous introduis, vous allez voir. Donc, les centres culturels français mettent sur pied un conditionnement des artistes africains qui doivent se mouler dans des vêtements conçus par la France pour produire un artiste africain qui va incarner une certaine pétulance, supposément africaine. Autrement dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu n'as pas les rastas bizarres, si tu ne restes pas un sauvageon, il faut que tu sois sauvage. C'est-à-dire, les Africains doivent rester l'Africain sauvage. C'est-à-dire, il est dans la sauvagerie pure. Pour satisfaire le besoin des autismes de la France. Mais il faut que les gars développent des arts bizarres. On les impose ça. Donc, il y a des canons qu'on vous impose. Un type d'art que vous devez pratiquer. Ou alors, ils deviennent des femmes. Les hommes deviennent des femmes. Claire et net. Et les femmes deviennent des hommes. Des hommes, c'est-à-dire que des trucs bizarres. Qu'on impose ça. Il se passe des choses terribles. Vous n'entrez pas dans ce canon. Vous avez vu l'habillement de mon jeune frère Big Bassin? Mais bien sûr. Parfait. Bien sûr. C'est pas qu'Ali. Mais tout ça, le gouvernement africain regarde. Ils ont abandonné ces domaines-là. Ils croient que c'est une affaire qui n'est pas. Ça n'intéresse pas. Pendant ce temps, ils volent l'argent. Ils tuent les gens. Vous parlez, on vous assassine comme Martinez Dogo. Ils savent faire ça très rapidement. Des élites criminels qui ne savent que tuer. Ils tuent. Mais comment vous pouvez croire que vous pouvez vous développer dans un, vous pouvez vous développer aujourd'hui quand vous ne comprenez pas l'importance de la créativité culturelle et artistique? Comment c'est possible? Et c'est parce qu'on a abandonné ça que nos enfants sont exposés au LGBT, à cette saleté-là. Vous allez aller dans les écoles au Cameroun, je prends le cas du Cameroun, c'est valable ailleurs, mais au Cameroun. Mais allez voir ce qui se passe dans les salles de classe, dans l'école publique. Allez voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe présent dans Dakar? Mais les enfants sont devenus des spécialistes en partout. Mais c'est grave. Parce que l'État camerounais a démissionné dans sa mission culturelle. Oh, ça ne demande pas trop d'argent. Hein. Allez voir le budget que la France met là. Pour ramasser tous les artistes africains. Allez voir combien la France met là. C'est l'argent que le ministre vole. Et après, il vient, il va au procès avec le champagne, il nague les gens. Donc, il y a quand même. Et Macron s'en fait dessus. Et vous allez voir tous nos stars là. Est-ce par hasard que la France est la capitale culturelle de l'Afrique? C'est normal ça. Hein? Dès qu'un musicien africain a du talent, il va en France, il s'installe. Dès qu'il s'installe là-bas, s'il n'est pas solide, il perd son originalité, son authenticité. Il perd ça. Pourquoi la France est devenue la capitale artistique des pays africains? Jusqu'au 21e siècle, les États africains, l'Union africaine n'a jamais réfléchi à ces défis-là. L'Union africaine, là, par exemple, ne peut pas réfléchir à ces défis. Si les États sont en mesure de le faire, qu'est-ce que coûte à l'Union africaine de faire des bêtises comme ça que Macron met en place, un ou deux, Meet Africa. Qu'est-ce qui empêche l'Union africaine de faire des choses comme ça? Et maintenir ses places. Garder l'initiative de la créativité contemporaine dans le domaine culturel et artistique. Tous vos artistes sont ramassés, connectés dans le parisianisme et derrière sont cooptés dans des cercles ésotériques bidons ou le signe des pactes. Après, ça devient des calamités. Non. D'après vous? Non, l'objectif, oui, c'est pour que plus tard, vous avez vu l'image, on parle de la forêt gabonaise. Et le ministre gabonais de la forêt, c'est un Écossais. Mais c'est ça le projet. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus en fait. Mais tu as compris, c'est incroyable. C'est ça où ils vont. Monsieur Lee, le ministre, voilà, merci pour la réalisation. Le ministre gabonais de la forêt, c'est un Écossais qui explique la forêt gabonaise à monsieur Macron. Un Français. Il y a un problème, mais ils vont même plus loin. Mais c'est incroyable. Hein? Ils vont plus loin puisque l'enjeu. Quand Macron parle de la biodiversité, il parle du climat. Mais tu as dit que ce n'est pas possible ça. Qu'est-ce que les Européens ont à dire aux Africains en matière de climat? Donc, entre nous, qu'est-ce qu'un Européen, qu'est-ce qu'un Occidental a dit à un Africain en matière de climat? Lorsque on vient vous dire que One Forest Summit, le projet est quoi? On dit que tous nos bassins là, écosystémiques là, vont devenir des biens publics mondiaux. Mais quand tu vous dis qu'on a un Écossais, ministre au Gabon de la forêt, pourquoi? C'est dans le cadre des réseaux maçonniques. Parce que c'est leur fraternité universelle qu'ils veulent imposer à travers la maçonnerie et consorts. C'est pour arriver à ça que désormais, tous les écosystèmes-là, qui sont chez nous sur place, doivent devenir des biens publics mondiaux. Donc, nous ne nous appartiendrons plus. Mm-hmm. Comme eux, ils ont déjà massacré leur forêt. Ils n'ont plus rien. Et ils ne peuvent pas résoudre le bilan carbone. C'est même donc, il faut quoi se rattraper sur nous. C'est même le moment de quoi? La quatrième révolution du sénat dont tu parles là, en mettant avant les questions de la décarbonation, la fin de l'industrie fossile. Mais écoutez, l'Africain d'aujourd'hui, quel est le pays africain qui a le moindre avantage comparatif dans ce domaine-là? Pourquoi? Vous entrez dans ça pour devenir quoi? Pourquoi? Quel est le discours de l'Afrique sur la question climatique? C'est quoi cette affaire où c'est les Macron? Qu'est-ce que Macron connaît sur le climat? Macron, là, il connaît quoi sur le climat? Qu'est-ce que Macron connaît sur le climat? Quel est le discours africain sur la question climatique? Pourquoi on est obligé d'avaler ça comme les musiques américaines qu'on avale? Pourquoi l'Union africaine n'est pas en mesure de prononcer, de construire un discours africain sur la question du climat? Pourquoi? Nous voici aujourd'hui, on ne comprend rien, tous les sommets où on nous invite, on a servi de faire valoir l'engagement qu'ils ont pris. Ils n'ont rien respecté. Rien. Je dis rien. Et ils veulent faire avancer leur agenda climatique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui finance ça? Mais c'est clair et net. Les recommandations pour la COP 21, les recommandations, la réduction de la population mondiale. Mais c'est la COP 21 à Paris. Ce sont les financiers. Mon Dieu, les autres, les banquiers là. Le truc est clair. Ils disent que l'homme est devenu dangereux pour le climat. Donc la planète, pour être sauvée, doit. Comment dire ça? Il faut éliminer tous les hommes pollueurs de la planète. Voilà. Malthus. Il ne cache même plus. D'accord. Vous imaginez des choses comme ça. Donc, voilà les enjeux. Quand ils parlent de péril climatique, transition énergétique, les Africains ont intérêt dans ce cas. C'est quoi? Mais les fraternités maçonniques, parce qu'on dit qu'on ne les aime pas. Mais c'est ça qui fait qu'ils ont cette solidarité entre eux. Pendant qu'ils vous endorment, ils construisent leur plateforme mondiale, leur mondialisme. Où c'est que l'élite n'a rien à voir avec les intérêts de l'Afrique, ni avec le sort de l'humanité. Donc, c'est une question sérieuse. C'est que sont sérieuses. Dis-moi pourquoi M. Macron peut recevoir Fali Ipupa, par exemple. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Les Assalfo. Tous ces gens-là, c'est quoi? Les Bembe. Mais on connaît ce qu'il y a derrière. On connaît ce qu'il y a derrière. Et tous les majors du monde qui produisent les musiciens, tous les circuits de distribution, de production de la musique, l'Afrique a quel projet? Nos colorations musicales, esthétiques, qui les sauvegardent. Allez voir aujourd'hui à quoi ressemble ces productions musicales. Qu'est-ce qu'on impose aux artistes? Regardez les clips. Effectivement. Qui sont des cultes initiatiques en plein jour. Mais comme les Africains, nos dirigeants, l'Union africaine, n'ont aucun projet à ce niveau, nos talents africains sont livrés comme ça, à ce genre de choses. Quand ils ne sont pas créés par ces gens, dans le but de détruire notre jeunesse et de nous entraîner dans des histoires où demain on va dire que non, désormais c'est l'amitié, c'est-à-dire que c'est l'intimité franco-africaine. L'intimité. Il faut entendre les mots, l'intimité. Venant de la bouche de ce monsieur. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encourager la pédophilie, l'homosexualité. C'est ça l'intimité. C'est quoi? Lui, Macron, là, c'est quoi l'intimité? Pour lui, c'est quoi? On le connaît, non? D'accord. Merci beaucoup à vous, président Badakani. Afrique Média, le monde, c'est nous.